Suce-moi l'us boob, si tu sais rien faire d'autre à part de jacter sur mon compte. Bagdad dans ma tête, plein le cul de la guerre, en solitaire ou en fit, j'suis toujours le même frère. Rime sale, dégaine ça depuis mon enfance. Fuck les boîtes de nuit, j'aime pas les pistes de danse. Fais tourner la chicha, la fumée m'évacue, trop de shit sature et je n'en peux plus. La rue veut me tromper depuis que j'suis rentré dans le jean et veut m'influencer tout droit vers le chétan. Bouge pas, fais la sourde oreille, même si je sais qu'il y a beaucoup d'oseille à se faire, tant pis, j'préfère être dans leur hlel, même si ma vie trop souvent s'étale. Bagdad dans ma tête, en manque de pépette. Bagdad dans ma tête, j'ai déjà tout vécu. Bagdad dans ma tête, plus rien ne m'impressionne. Bagdad dans ma tête, sentiment de défaite. Bagdad dans ma tête, en manque de pépette. Bagdad dans ma tête, j'ai déjà tout vécu. Bagdad dans ma tête, plus rien ne m'impressionne. Bagdad dans ma tête, sentiment de défaite. Ma tête tourne avec ou sans alcool ou foufoune. Projet bloqué, j'pense à virer vers Melbourne. Triqué dans trop d'endroits, j'aspire pas à la côte à Danny Boone. Aspire, expire, espère que demain foutent-moi la chair de poule. Le mensonge règne, même si la mauvaise réputation, les mauvais patentes deviennent obsession. J'y lis le coca pour oublier, c'est pas la bonne façon. Quasi les mêmes destinations, quelle que soit la saison. Certains proches s'éloignent pour bonnes raisons. D'autres t'oublient, pour eux l'occasion fait le larron. À mes côtés n'est pas la perle pour la sérieuse relation. L'ego d'aujourd'hui, plus ce qu'elle était le son. Peu importe le sujet, mes pensées lancent toujours débat. Dans l'impasse, je croyais pourtant connaître tous les aléas. Cette zig me hante, me prend beaucoup de temps. Mes rimes sont puissantes, mais ça suffit pas à l'avènement. Bagdad dans ma tête, en manque de pépette. Bagdad dans ma tête, j'ai déjà tout vécu. Bagdad dans ma tête, plus rien ne m'impressionne. Bagdad dans ma tête, sentiment de défaite. Bagdad dans ma tête, en manque de pépette. Bagdad dans ma tête, j'ai déjà tout vécu. Bagdad dans ma tête, plus rien ne m'impressionne. Bagdad dans ma tête, sentiment de défaite. En ces temps ça va pas, mais venez s'exauce pas. Priez, garde la foi pour ne pas plonger trop bas. De près, les emmerdes colocues. Heureusement y'a du vécu, sinon elles m'auraient fait des tritus. Le diable m'a promis beaucoup de choses. Trop naïf donc, grosse perte au change. La chance loin de moi, mon énergie décroît. Ma bouée est percée, mais pas question que je me noie. Bagdad dans ma tête, le steak de 100 grammes a augmenté, donc moins de bénéfices. Putain de bordel de merde. Fuck l'inspecteur et toute sa patrouille. J'tire pas douille, mais le car on loue un joint. Le business nique le proc et reste malsain. Bagdad dans ma tête, toujours radié de la NPE. Faut que j'm'accroche avant de leur foutre le feu. Tu connais le style, tu connais la vibe. Ton rap nous saoule et nous fait mal à la tête. Tu m'tiens pas en tête à tête, tu peux pas me tester. Mon flow est démoniaque, va te faire mettre.